Bon, écoutez, la literie et la dentelle, c'était pareil. L'ouvrière qui faisait la Ah dentelle oui. gagnait pas Ah plus. non, on Hein? gagne. Ah La bon. preuve, c'est que pourquoi que les dentelières ont quitté Mirecourt, c'est pour qu'il n'y en a plus. On Donc n'en ils a ne plus, gagnaient ouais, pas seulement leur ça vie. revient à cette Ne heure-ci. gagnaient pas leur Ouais. vie. Maintenant, ça revient. Vous vous rendez C'est compte qu'on vide de travaille pour revenir. 80 francs de l'heure? Hein? Alors.